D'entrée de jeu, j'aime bien le feu. Tu feras de moi ton amour. Décidément, t'es tout ce qu'il me faut. Tes sentiments font pas du yo-yo. Chaud, mon été sera chaud. Si beau, mon été sera beau. Tout feu, tout flamme, je n'y crois pas. Le temps me fait venir ici bas. Et si tu préfères, je m'exclame. Le yoga m'inspire. Le silence qui devient normal après tout tes dires. Mes muscles du cœur se relaxent, faut pas qu'ils expirent. Aimer, je peux être en couple, tu veux dormir, manger, rester tous les deux. Et les soucis, je crois qu'on s'en fout. Ces problèmes sortent par des trous. Car mon désir s'allie à ta bouche quand le soleil se couche. Dans notre lit, ce moment est pour nous. Dans la forêt, plus de méchants loups. Tu me séduis encore et toujours. Et les soucis renforcent l'amour.